Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 59. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 31 décembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es best-of, tu es compile, tu es florilège, tu es quintessence, tu es crème de la crème et tu es aussi... Vous avez fait un super beau parcours, vous avez fait énormément de progrès. On a fait des jolies, jolies choses ensemble pendant toute la saison. De chanter autant de chansons dans un prime, c'est... ça n'arrivera peut-être plus. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es flashback sur quelques histoires loufoques et foutraques de la Panique 2006. Alors, dans quelques heures, l'année 2006 va plier boutique et avant que le rideau ne tombe, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de revenir en partie sur les 52 dimanches que nous avons passés avec toi en t'offrant une rediffusion de 4 petits moments que nous espérons savoureux. Primo, dans un mois, c'en est fini de la cigarette dans les lieux publics en France. Donc, pour commencer, nous allons revivre ensemble les difficultés qu'a rencontrées Jean-Claude lorsqu'il s'est arrêté de fumer au mois de juin dernier. Ensuite, cette année, nous venons de célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Sigmund Freud. La panique en avait alors profité en janvier dernier pour s'intéresser à l'interprétation des rêves. Et puis, nous te rappellerons les mystérieuses raisons de ce voyage non officiel de président Chirac à Rome au printemps dernier. Et enfin, à l'heure où les tire-fesses reprennent du service dans nos belles montagnes, nous retrouverons Monique et Jean-Claude qui, l'hiver dernier, dévalaient déjà les pentes enneigées. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et donne le meilleur de toi-même. Ha, ha, ha. Staying Alive, chanté les Bee Gees en 1977. Eh bien, 30 ans plus tard, nous te souhaitons exactement la même chose pour l'année qui vient. Quoi qu'il arrive, reste en vie. Alors, pour commencer ce florilège, dans un mois, le 1er février 2007, donc, la vie des fumeurs va sérieusement se compliquer avec l'interdiction de cloper dans les lieux publics. Prévoyant, notre ami Jean-Claude a pris les devants puisqu'il s'est arrêté de fumer au printemps dernier, le 7 juin exactement. Ce jour-là, Jean-Claude s'est réveillé un peu patraque. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. C'est sûr, c'est un drôle de rêve qu'il a fait Jean-Claude. Et comme il est 7h du matin, Jean-Claude, pour se donner du tonus, il prend une cigarette à jeun, y a pas mieux. Pourtant, toute la journée, Jean-Claude trimballe un drôle de malaise. Mais peu importe, ce soir, tout ira pour le mieux, car il doit retrouver ses amis dans un petit bar tabac pour regarder le match de football entre la France et la Chine. Ainsi, mercredi soir, Jean-Claude se retrouve en compagnie de son ami Gilbert dans un petit troquet pour regarder le match amical entre l'équipe de France et la Chine. Jean-Claude, dans l'attente du coup d'envoi, allume une cigarette sous le regard inquisiteur de Gilbert qui, lui, vient d'arrêter de fumer. Gilbert, ironique, essaye de convaincre Jean-Claude que la cigarette, c'est mauvais. Ils nous vendent de jolis paquets de cigarettes ornés d'un chameau sympa ou d'un casque gaulois, d'un cow-boy ou d'une gitane qui joue les castagnettes. Il paraît que le bien-être, ça ressemble à ça. Et je te fume à plein poumon les plaines du Far West. Et je goudronne mes éponges, du moins ce qu'il en reste. Mourir du tabac, c'est parfois nécessaire. L'argent servira à vaincre le cancer. Donnons aux chercheurs une onde de clopinette, l'impôt de ces bienfaiteurs qui vendent leurs cancérettes. Des cancérettes, mais bien sûr. Jean-Claude, il n'a pas envie qu'on le chauffe sur le sujet. Mais Gilbert insiste, il faut arrêter de fumer car c'est mauvais pour la santé. Et puis bientôt, il va y avoir une loi qui interdira la clope dans tous les lieux publics. Alors autant se préparer maintenant. Mais Jean-Claude, depuis le temps qu'on le tanne pour qu'il arrête, sa réponse, elle est toute faite. Dernier paquet, dernière cartouche à partir de demain. Pas touche, suffit d'un peu de volonté. Assez, tousser, demain stop. Plus de clope. Mais oui, il le sait Jean-Claude qu'il arrêtera un jour. Il connaît les risques, c'est écrit sur son paquet. Mais pour le moment, il n'en a pas la force. Surtout que le match commence et que la cigarette va lui permettre de calmer sa nervosité. Le coup d'envoi est donné, tout se passe bien. Jusqu'au drame. À la 10e minute, c'est-à-dire à la seconde même où Jean-Claude allume une cigarette, Djibril Cissé, l'attaquant français, se blesse méchamment. Bilan, double fracture tibia péronée. Jean-Claude comprend tout de suite que Cissé n'ira pas jouer en Allemagne. Mais surtout, Jean-Claude, un peu superstitieux, fait une analyse sommaire. Cissé s'est blessé alors que lui, Jean-Claude, allumait une cigarette. Sa décision est rapidement prise. C'est décidé, j'assume. Terminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité, à part Philippe et Maurice, qui m'attendent au tournant quand j'irai en cachette. Désespérément, craquer l'allumette. Et effectivement, Jean-Claude, à la surprise générale, éteint sa clope. Ça y est. Jean-Claude a arrêté de fumer. Jean-Claude a donc arrêté de fumer le soir du match France-Chine. La première journée sans tabac se passe très bien, mais c'est le deuxième jour que tout se complique, car Jean-Claude est très irritable, ce qui insupporte Monique. Refume, elle nous fait plus chier. Quoi ? C'est toi qui oses me dire ça ? Après la vie de forçat que tu m'as fait mener, je fume pas ici, je fume pas maintenant. Sans compter les visites interminables dans les musées où il n'y avait même pas un coin de fumeur. Au Louvre, il a fallu que je me cache entre Osiris et Ramsès II. C'est vrai que ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Mais bon, ce qui aide Jean-Claude dans sa lutte contre le tabagisme, c'est le soutien de sa famille. Toute la maison a été passée au peigne fin et il ne reste plus aucune cigarette. Jean-Claude aimerait pourtant beaucoup que cette odeur persistante de tabac s'évanouisse enfin. Jean-Claude est si fier d'avoir arrêté de fumer que maintenant, quand il est avec ses amis, c'est lui qui donne des conseils. Si vous voulez vous détacher du problème, il faut passer par l'acceptation de ce problème. Oui, j'ai été fumeur. Oui, j'ai été dans l'erreur. Oui, j'ai été un minable. Une loque, à moins que rien. Mais je veux guérir parce que je veux m'en sortir. On n'oublie pas. Les trois J. Jamais, jurer, je ne recommencerai plus. À toi, Gilbert. Je pense avoir déjoué quelques pièges basiques. Café et l'apéritif. Voilà, c'est tout. Ça s'est bien passé. C'est tout ? C'est tout. On m'a proposé une cigarette. J'ai refusé. Tu as refusé ? Une taf. J'ai pris une taf. Putain de taf. C'est pour ça. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Pour Jean-Claude, c'est une véritable victoire. À la maison, tout le monde est heureux. Il n'y a plus de mégots dans les cendriers. D'ailleurs, il n'y a plus de cendriers. Oui, tout ce qui concerne le tabac a disparu. Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude, a lui aussi remarqué que depuis qu'il a arrêté de fumer, son père, il est très différent. Moi qui connais bien mon père, je le trouvais énervé. J'allais demander à ma mère ce qu'il pourrait inventer. Quand d'un bond, il se leva, montrant la cuisine du doigt. Devant notre air étonné, il commença de chanter. Vous ne savez pas, mes enfants, qu'il n'y a rien de plus délectant pour un fumeur raffiné qu'une bonne pipe après dîner. Dites-moi quel est le meilleur bois pour faire des pipes de choix. Le bois de Bruyère, moi, je ne sais pas. Le bois de Vincennes, nous dit papa. Oui, c'est vrai qu'il reste un peu nerveux, Jean-Claude, parce que dans cette maison, c'est étrange, mais ça sent toujours le tabac. Enfin bon, il tente de se motiver comme il peut, mais surtout, Jean-Claude est content que Monique le soutienne dans sa désintoxication. Bonjour, l'amour. Bonjour, bébé. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il dit de ça? Les chaînes de tes formes, c'est incroyable. Quand est-ce qu'on mange? J'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Mais écoute, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Écoute, tu sais que une cigarette en moins de fumée, ça fait 10 minutes de vie en plus de gagner. Tu savais ça? Alors moi j'ai calculé que à partir de un paquet de cigarettes, ça fait 3h30 par jour de vie en plus de gagner. Ce qui fait qu'au bout d'un an, ça fait 52 jours de gagner. Alors au bout de 30 ans, tu te rends compte, ça fait 5 ans de gagner. Ça veut dire que au lieu de mourir à 80 ans, je mourrai à 85. C'est extraordinaire ça, non? Et comment tu feras? Sans moi? Mais non, sans Monique, la vie n'est pas possible. Elle sera toujours là, Monique. Pourtant, Jean-Claude n'arrive pas à chasser de ses narines l'odeur du tabac. C'est alors que Jean-Claude découvre l'horrible vérité. Il s'aperçoit que si toutes ses cigarettes ont disparu, c'est que son fils Rémi est en train de les fumer en cachette dans sa chambre. Alors là, Jean-Claude, pour son fils, il sait trouver les mots justes. Stop, au nom de l'amour, avant qu'il soit trop tard. Stop, au nom de l'amour, avant qu'il soit trop tard. Si tu m'aimes, si tu m'aimes. Eh oui, Jean-Claude, il sait que s'il y a de très bonnes cigarettes dans la vie d'un fumeur, la plus mauvaise, c'est la première. Voilà, fin de l'histoire. Jean-Claude, d'ailleurs, il se souvient très bien de sa première cigarette. À l'école, quand j'étais petit, les grands se cachaient sous leur lit pour fumer en cachette une cigarette. Ils se faufilaient sans un bruit à la faveur de la nuit. Certains d'entre eux fumaient dans les toilettes. Le privilège qu'ils m'accordaient, c'est moi le petit qui craquait une allumette pour leur cigarette. Fume, fume, fume cette cigarette. Fume, fume, fume, fume cette cigarette. Et j'entends leur voix me dire, elle revient en souvenir, pour devenir un homme, fume cette cigarette. La surveillante des cours du soir m'a entraîné dans le parloir. Je n'ai pas l'impression d'être à la fête. Elle dit qu'il faut me

Dans quelques instants sur France Inter, nous pourrons suivre la deuxième partie du Carpe Diem d'Hubert Nissen. Cet amoureux de la vie, amateur d'art, écrivain, éditeur, voyageur, se confie au micro de Chris pour son crumble dominical. Une rencontre à ne pas manquer tout de suite après le flash. Merci d'écouter France Inter, il est midi.